D'abord, il faut que tu saches que je suis pas du genre à me mentir à moi-même comme Jasmin. C'est pour ça que j'ai pas des câbles et pas lui. Bon, je me suis excusé, tout ça, machin, je t'ai pardonné, j'ai tout fait pour toi, voilà, etc. On va pas aller bah plus loin. voilà. Maintenant, je vais te montrer quand on te reproche vraiment quelque chose que c'est, au lieu d'appeler simplement à ton amour. Ma pomme, je sais que tu n'aimes pas que je me mette dans cet état, mais tu ne te rends pas compte comment les larmes font couler l'encre. Ma pomme, tu voulais que je compose un morceau pour toi, là ça va mal, alors j'en suis capable malgré la douleur au ventre. Tu ne veux pas que je sois sensible, tu ne veux pas que je te harcèle, tu ne veux pas que je sois jalouse et débile, mais tu ne veux pas que je t'aime. Nous vivons des particules d'instant, je t'enculerai pas si c'est pas ton plan. Je suis sans doute moins parfait que ce salaud qui t'a prise pour une tepue. Il serait temps de le réaliser, même s'il t'a fait perdre ton seul âge pu. J'aurais pu t'emballer avec ma poésie, j'avais plein la poche, mais t'étais à Paris. J'aurais pu t'offrir toutes les étoiles, même si elles étaient moins belles que tes yeux. Tu n'en veux pas lorsque tu te dépoiles, faut dire qu'on est si bien tous les deux, même si quand tu tripes avec mes potes, on n'a pas l'air d'être amoureux. Tu ne voulais pas que je m'inquiète pour toi, mais lorsque tu bois trop, tu fais des envieux. Je t'aime simplement, mais il faut l'avouer. Tu connais aussi peu l'amour que les mecs qui t'ont dragué. Donne-moi de tes lèvres, de ton regard et arrête de nous dévisager dans le noir. Sache que ce dernier n'est pas supérieur. Même s'ils viennent de loin, eux aussi n'ont que du sang rouge dans le cœur. Ma vie est si à l'arrache qu'elle ne peut pas être vécue. Alors je fais du rap hardcore pour les fans de reggae raga inculte. Sache qu'avant tout, ma chère, que ta fierté te coûtera cher. Chère de ma chair, ne te transforme pas en ta mère. Des puits de terre brûlée couvrent mes idées. Ma rafraîchissante pomme, avant qu'il ne soit trop tard, viens m'écouter. Tu tombes de ta branche, non, tu ne prends pas ton envol. Laisse-moi te ramasser avant qu'on te croque et qu'on te vole. Tu es aussi légère qu'une poudre blanche. Tu as dit que tu n'avais pas à être là pour moi, puisque vice-versa, mais sans moi, tu serais déjà morte dans un éthylique coma. Se droguer, c'est dur et nous avons besoin de soutien, sauf pour toi, bien sûr, celui de son conjoint. Je ne peux pas vivre avec une femme qui montre qu'elle ne m'aime pas. Mais je suis coincé, car je ne peux vivre sans toi. Et puisque tu ne veux pas de moi, j'irai baiser avec le diable. Dans la vie, mon meilleur ami reste le mal. Au fait, Sam, rien ne me fait plus de bien que le rap hardcore. Tu es assez âgé pour avoir admiré le nombre de fois où nous sommes morts. Dans mon monde, la première drogue des pétasses est la CC. Eh oui, j'y toucherai car j'en ai marre d'être en no live devant mon PC. J'en vois sur foutre le PC. Dans ce monde, seuls les alertes sont les vrais. Désolé si je suis foutu en bas à 50 ans, quartier gilant. N'arrive pas à être poussé à bout. Je fume des bouts. Je relis de debout, mais je reste debout. Mon sang bout, le THC reste actif. Je suis réellement dingue et pas une actrice. Malgré tout, je sais que personne ne va aimer ce morceau. J'ai les naïfs, le hip-hop et comme moi, il a toujours bon dos. J'encule Sniper, Soprano et tous ces vendus à l'eau de rose. Je le ferai chialer chez leur mère, rien qu'avec ma prose. Sans repère, moi non plus je l'ai pas connu. Mais en chialant, c'est pas comme ça que je l'ai vécu. Toujours à m'énerver pour rien, toujours en train d'abîmer mes mains. Je suis pas une victime, juste un meurtrier. Un malade occidental torturé par son décul passé. L'amour bousille ma vie, tout comme l'eczéma bousille ma peau. Comme la drogue, comme l'école, ouvre la porte. Je défoncerai pour me réfugier chez toi, ma pauvre Sego. T'as trop de tendance à me confondre avec tes amis. Je te confondrai avec mon ex, ben c'est lobby. Tu m'as jamais rattrapé, c'est à moi de te laisser tomber. Alors on marche de plan cul en plan cul en plan shit. Les femmes sont perdues, perdues alors sur le beat elles glissent. Pas de fric, pas de permis, je me ferai jamais de meuf à la fois. Mais les pauvres, si elles se droguent, c'est un peu grâce à moi. Lui il leur a fait, mais n'aura jamais connu la perche. Moi je m'aidais dans la forêt en essayant de prendre mon temps avec la sagesse. Moi, lui, désolé, j'espère que tu en prends le sida. De toute façon, je suis comme Jackie qui se lave pas avant d'aller au lit. Tu veux parler, discuter, te faire pardonner. Je veux te haïr, tu m'as trompé. Dégage de là, qui es-tu pour être aussi fier? T'as-t-on déjà menti comme toi à ta mère? T'as-t-on déjà maudit et laissé derrière? T'as-t-on déjà ouvert le cœur? As-tu déjà senti que tu meurs? Ma course poursuit dans ce tunnel. Sans toi, sans vous, juste seul avec mon âme qui me recueille. J'ai tué mon ange gardien, cramé au fuel. Ma course poursuit dans cette jungle avec toutes ces putes amazones. Sous ta sous-jungle, avec tous ces serpents qui me mordent et toutes ces sirènes qui me passent à la corde. Poteau, poteau, poteau, tu m'as trahi, je suis resté figé tel un poteau. C'est pas grave, je regrette pas. Je suis ma route à grande vitesse. Quand le danger me guette, je roule au pas. Ton ultimatum est expiré. Je te laisse au rez-de-chaussée. J'ai envie d'être plus agressif. Alors fort, c'est peut-être con, mais c'est ainsi. Ma soeur, fais pas la pute, ne t'expose pas au ridicule. Resserre tes jambes et prends soin de ton cul. Je l'avoue, même les yeux fermés, ton attitude m'inquiète. Comme tous les gens qui ont perdu leur voix en ce siècle. Que je te revois plus jamais sur mon chemin. Non, non, je veux plus avoir affaire à toi dans mon destin. Mon cœur brûle de rage, il est rouge de colère. À cause de toi, je risque de tout foutre en l'air. Mon cœur brûle de rage, il est rouge de colère. À cause de toi, je risque de tout foutre en l'air. Siècle de misère, génération de galère. Dorénavant, la trahison n'est plus un drame. Nique sa mère, je veux pas bourrer mon crâne. Même si des fois je plane seul dans l'obscurité de mon âme. T'étais mon cœur, ma joie, l'autre c'était mon frangin. Vous étiez en moi, j'avais confiance, vous faisiez partie des miens. Allez au diable, je veux pas faire couler du sang. J'en ai des raisons, t'es pété la gueule sans en faire le moindre deux. Je le dis à toi et à lui aussi. J'ai compris qu'à côté de l'amour, y'a de la haine, amen. Et toi qui m'écoutes, croisons mon expérience. Reste aux aguets et garde en toi la méfiance. Ton ennemi n'est pas loin, il veut te faire croire en la malchance. Alors suis ta route, chacun à la sienne. La victoire est en toi, reste pas dans le désarroi. Guerrier combattant, frère courageux, relève-toi et avance comme tu l'entends sans rien attendre. Hey, yeah. Mon cœur brûle de rage, il est rouge de colère. À cause de toi, je risque de tout foutre en l'air. Mon cœur brûle de rage, il est rouge de colère. À cause de toi, je risque de tout foutre en l'air. Mon cœur brûle de rage, il est rouge de colère. À cause de toi, je risque de tout foutre en l'air. Mon cœur brûle de rage, il est rouge de colère. À cause de toi, je risque de tout foutre en l'air. Mon cœur brûle de rage, il est rouge de colère. À cause de toi, je risque de tout foutre en l'air.